La réponse du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères aux questions du correspondant de l'Agence géographique centrale de Corée à propos de la mise en cause par les États-Unis de nos préparatifs à la dernière étape de lancement expérimental de fusées balistiques intercontinentales a été rapportée du 8 au 10 janvier par les médias de divers pays. Ce sont l'agence de presse Lia Novosti, le journal Kommersant, la LEN TV et la radio Aéromoscovie de Russie, l'agence de presse Chine Nouvelle, le journal de Jilin, le journal de Heilongjiang, les réseaux Information du Nord-Est et Nord-Est, la télévision satellitaire Phoenix de Hong Kong de Chine, l'agence de presse mongole Monzame, le journal cambodgien Khmer Times, l'agence de presse japonaise Gyodo, le journal du matin de la Fédération et la télévision chaîne des nouvelles asiatiques de Singapour, la radio AIT du Nigéria, le journal Agua Verde et le homepage d'internet Marcha Verde du Brésil, le journal péruvien El Comercio, la voix de l'Amérique, l'agence de presse britannique Reuters, la radio australienne ABC, les homepages d'internet de la filiale polonaise de l'Association d'amitié avec la Corée et du Comité national d'études des étudiants du Congo démocratique. Ils ont présenté la réponse du porte-parole du ministère coréen des Affaires étrangères sous divers titres comme « La Corée condamne les États-Unis qui mettent en cause les préparatifs du lancement expérimental de fusées balistiques intercontinentales » et « La Corée affirme qu'elle lancera la fusée balistique intercontinentale à n'importe quel moment ».